Chapitre 40e, la protectrice et le protégé. Il est temps de revenir à Gilbert, dont une exclamation imprudente de sa protectrice, Mademoiselle Chon, nous a pris la fuite et voilà tout. Depuis qu'au village de la Chaussée, il avait, dans les préliminaires du duel de Philippe de Tavernet avec le comte du Barry, appris le nom de sa protectrice, notre philosophe avait été fort refroidi dans son admiration. Souvent, à Tavernet, alors que caché au milieu d'un massif ou derrière une charmille, il suivait ardemment des yeux André, se promenant avec son père, souvent, disons-nous, il avait entendu le baron s'expliquer catégoriquement sur le compte de Madame du Barry. La haine tout intéressée du vieux Tavernet, dont nous connaissons les vices et les principes, avait trouvé une certaine sympathie dans le cœur de Gilbert. Cela venait de ce que Mademoiselle André ne contredisait en aucune façon le mal que le baron disait de Madame du Barry. Car il faut bien que nous le disions, le nom de Madame du Barry était un nom fort méprisé en France. Enfin, ce qui avait rangé complètement Gilbert au parti du baron, c'est que plus d'une fois, il avait entendu Nicole s'écrier « Ah, si j'étais Madame du Barry !» Tout le temps que dura le voyage, Jean était trop occupé, et de choses trop sérieuses, pour faire attention au changement d'humeur que la connaissance de ses compagnons de voyage avait amené chez M. Gilbert. Elle arriva donc à Versailles, ne songeant qu'à faire tourner au plus grand bien du vicomte le coup d'épée de Philippe qui ne pouvait tourner à son plus grand honneur. Quant à Gilbert, à peine entré dans la capitale, sinon de la France, du moins de la monarchie française, il oublia toute mauvaise pensée pour se laisser aller à une franche admiration. Versailles, majestueux et froid, avec ses grands arbres, dont la plupart commençaient à sécher et à périr de vieillesse, pénétra Gilbert de ce sentiment de religieuse tristesse dont nul esprit bien organisé ne peut se défendre en présence des grands ouvrages élevés par la persévérance humaine ou créés par la puissance de la nature. Il résulta de cette impression inusitée chez Gilbert, et contre laquelle son orgueil inné se raidissait en vain, que pendant les premiers instants la surprise et l'admiration le rendirent silencieux et souple. Le sentiment de sa misère et de son infériorité l'écrasait. Il se trouvait bien pauvrement vêtu, près de ses seigneurs chamarrés d'or et de cordon, bien petit près des Suisses, bien chancelant quand avec ses gros souliers ferrés, il lui fallut marcher sur les parquets de mosaïque et sur les marbres poncés et cirés des galeries. Alors il sentit que le secours de sa protectrice lui était indispensable pour faire de lui quelque chose. Il se rapprocha d'elle pour que les gardes visent bien qu'il venait avec elle. Mais ce fut ce besoin même qu'il avait eu de Chon qu'avec la réflexion qu'il revint bientôt, il ne put lui pardonner. Nous savons déjà, car nous l'avons vu dans la première partie de cet ouvrage, que Madame du Barry habitait à Versailles un bel appartement, autrefois habité par Madame Adélaïde. L'or, le marbre, les parfums, les tapis, les dentelles enivrèrent d'abord Gilbert, nature sensuelle par instinct, esprit philosophique par volonté, et ce ne fut que lorsqu'il y était déjà depuis longtemps qu'enivré d'abord par la réflexion de tant de merveilles qui avaient ébloui son intelligence, il s'aperçut enfin qu'il était dans une petite mansarde tendue de serge qu'on lui avait servi un bouillon, un reste de gigot et un pot de crème, et que le valet, en la lui servant, lui avait dit d'un ton de maître « Restez ici !» Puis il s'était retiré. Cependant, un dernier coin de tableau, il est vrai que c'était le plus magnifique, tenait encore Gilbert sous le charme. On l'avait logé dans les combles, nous l'avons dit, mais de la fenêtre de sa mansarde, il voyait tout le parc émaillé de marbre. Il apercevait les eaux couvertes de cette croûte verdâtre qu'étendait sur elle l'abandon où on les avait laissées, et par-delà les cimes des arbres, frémissantes comme les vagues de l'océan, les plaines diaprées et les horizons bleus des montagnes voisines. La seule chose à laquelle songea Gilbert en ce moment fut donc que, comme les premiers seigneurs de France, sans être ni un courtisan ni un laquais, sans aucune recommandation de naissance et sans aucune bassesse de caractère, il logeait à Versailles, c'est-à-dire dans le palais du roi. Pendant que Gilbert faisait son petit repas, fort bon d'ailleurs s'il le comparait à ceux qu'il avait l'habitude de faire, et pour son dessert, regardait par la fenêtre de sa mansarde, Chon pénétrait, on se le rappelle, près de sa sœur, lui glissait tout bas à l'oreille que sa commission près de Madame de Béarn était remplie, et lui annonçait tout haut l'accident arrivé à son frère à l'auberge de la Chaussée, accident que, malgré le bruit qu'il avait fait à sa naissance, nous avons vu aller se perdre et mourir dans le gouffre où devaient se perdre tant d'autres choses plus importantes, l'indifférence du roi. Gilbert était plongé dans une de ces rêveries qui lui étaient familières en face des choses qui passaient la mesure de son intelligence ou de sa volonté, lorsqu'on vint le prévenir que Mademoiselle Chon l'invitait à descendre. Il prit son chapeau, le brossa, compara du coin de l'œil son habit râpé à l'habit neuf du laquais, et tout en se disant que l'habit de ce dernier était un habit de livrée, il n'en descendit pas moins, tout rougissant de honte, de se trouver si peu en harmonie avec les hommes qu'il coudoyait et avec les choses qui passaient sous ses yeux. Chon descendait en même temps que Gilbert dans la cour. Seulement elle descendait, elle, par le grand escalier, lui par une espèce d'échelle de dégagement. Une voiture attendait. C'était une espèce de phaéton bas, à quatre places, pareil à peu près à cette petite voiture historique dans laquelle le grand roi promenait à la fois Madame de Montespan, Madame de Fontanges et même souvent la reine. Chon y monta et s'installa sous la première banquette, avec un gros coffret et un petit chien. Les deux autres places étaient destinées à Gilbert et une espèce d'intendant nommé M. Grange. Gilbert s'empressa de prendre place derrière Chon pour maintenir son rang. L'intendant, sans faire difficulté, sans y songer même, prit place à son tour derrière le coffret et le chien. Comme Mademoiselle Chon, semblable pour l'esprit et le cœur à tout ce qui habitait Versailles, se sentait joyeuse de quitter le grand palais pour respirer l'air des bois et des prés, elle devint communicative et à peine sortie de la ville, se tournant à demi. « Eh bien, comment trouvez-vous Versailles, monsieur le philosophe ?»« Fort beau, madame, mais le quittons-nous déjà ?»« Oui, nous allons chez nous, cette fois. » « C'est-à-dire chez vous, madame, » dit Gilbert, du ton d'un ours qui s'humanise. « C'est ce que je voulais dire. Je vous montrerai à ma sœur. Tâchez de lui plaire. C'est à quoi s'attachent en ce moment les plus grands seigneurs de France. À propos, monsieur Grange, vous offrez faire un habit complet à ce garçon. » Gilbert rougit jusqu'aux oreilles. « Quel habit, madame ?» demanda l'intendant. « La livrée ordinaire ?» Gilbert bondit sur sa banquette. « La livrée ? » s'écria-t-il en lançant à l'intendant un regard féroce. « Non pas. Vous ferez faire... Je vous dirai cela. J'ai une idée que je veux communiquer à ma sœur. Veillez seulement à ce que cet habit soit prêt en même temps que celui de Zamor. Bien, madame. » « Connaissez-vous Zamor ? » demanda Chon à Gilbert, que tout ce dialogue rendait fort effaré. « Non, madame, je n'ai pas cet honneur. C'est un petit compagnon que vous aurez et qui va être gouverneur du château de Lucienne. Faites-vous son ami. C'est une bonne créature au fond que Zamor, malgré sa couleur. » Gilbert fut prêt à demander de quelle couleur était Zamor, mais il se rappela la morale que Chon lui avait faite à propos de la curiosité, et de peur d'une seconde mercuriale, il se contint. « Je tâcherai, » se contenta-t-il de répondre avec un sourire plein de dignité. On arriva à Lucienne. Le philosophe avait tout vu. La route fraîchement plantée, ses coteaux ombreux, le grand aqueduc qui semble un ouvrage romain, les bois de châtaigniers à l'épais feuillage, puis enfin, ce magnifique coup d'œil de plaine et de bois qui accompagne dans leur fuite vers maison les deux rives de la Seine. « C'est donc là, » se dit Gilbert à lui-même, « ce pavillon qui a coûté tant d'argent à la France, au dire de M. le baron de Tabernay. » Des chiens joyeux, des domestiques empressés et accourant pour saluer Chon, interrompirent Gilbert au milieu de ses réflexions aristocratico-philosophiques. « Ma sœur est-elle donc arrivée ?» demanda Chon. « Non, madame, mais on l'attend. Dis cela. » « Mais monsieur le chancelier, monsieur le lieutenant de police, monsieur le duc d'Aiguillon. »« Bien, courez vite m'ouvrir le cabinet de Chine. Je veux être la première à voir ma sœur. Vous la préviendrez que je suis là, entendez-vous ?»« Ah, Sylvie !» continua Chon, s'adressant à une espèce de femme de chambre qui venait de s'emparer du coffret et du petit chien. « Donnez le coffret et mis à pouf à monsieur Grange et conduisez mon petit philosophe près de Zamor. » Mademoiselle Sylvie regarda autour d'elle, cherchant sans doute de quelle sorte d'animal Chon voulait parler. Mais ses regards et ceux de sa maîtresse s'étant arrêtés en même temps sur Gilbert, Chon fit signe que c'était du jeune homme qu'il était question. « Venez, » dit Sylvie. Gilbert, de plus en plus étonné, suivit la femme de chambre, tandis que Chon, légère comme un oiseau, disparaissait par une des portes latérales du pavillon. Sans le ton impératif avec lequel Chon lui avait parlé, Gilbert eût bien pris plutôt Mademoiselle Sylvie pour une grande dame que pour une femme de chambre. En effet, elle ressemblait bien plus pour le costume à André qu'à Nicole. Elle prit Gilbert par la main en lui adressant un gracieux sourire, car les paroles de Mademoiselle Chon indiquaient à l'endroit du nouveau venu, sinon l'affection, du moins le caprice. C'était, Mademoiselle Sylvie bien entendu, Une grande et belle fille aux yeux bleus foncés, au teint blanc, légèrement taché de rousseur, aux magnifiques cheveux d'un blond ardent. Sa bouche fraîche et fine, ses dents blanches, son bras potelé, firent sur Gilbert une de ces impressions sensuelles auxquelles il était si accessible et qui lui rappela, par un doux frémissement, cette lune de miel dont avait parlé Nicole. Les femmes s'aperçoivent toujours de ces choses-là. Mademoiselle Sylvie s'en aperçut donc et souriant, « Comment vous appelle-t-on, monsieur ? » dit-elle. « Gilbert, mademoiselle, » répondit notre jeune homme avec une voix assez douce. « Eh bien, monsieur Gilbert, venez faire connaissance avec le seigneur Zamor, avec le gouverneur du château de Lucienne, avec le gouverneur. » Gilbert étira ses bras, brossa son habit avec une manche et passa son mouchoir sur ses mains. Il était assez intimidé au fond de paraître devant un personnage si important, mais il se rappelait ces mots « Zamor est une bonne créature ». Et ses mots le rassuraient. Il était déjà ami d'une comtesse, ami d'un vicomte, il allait être l'ami d'un gouverneur. Eh, pensa-t-il, calomnierait-on la cour, qu'il est si facile d'y avoir des amis? Ces gens-là sont hospitaliers, bon, j'imagine. Sylvie ouvrit la porte d'une antichambre qui semblait bien plutôt un boudoir. Les panneaux en étaient d'écailles incrustées de cuivre doré. On eut l'atrium de Lucullus, si ce n'est que chez l'ancien Romain, les incrustations étaient d'or pur. Là, sur un immense fauteuil, enfoui sous des coussins, se reposait, les jambes croisées en grignotant des pastilles de chocolat, le seigneur Zamor, que nous connaissons, mais que Gilbert ne connaissait pas. Aussi l'effet que lui produisit l'apparition du futur gouverneur de Lucienne se traduisait-elle d'une façon assez curieuse sur le visage du philosophe. « Oh ! » s'écria-t-il, en contemplant avec saisissement l'étrange figure, car c'était la première fois qu'il voyait un nègre. « Oh, qu'est-ce que ceci ?» Quant à Zamor, il ne leva pas même la tête et continua de grignoter ses pralines en roulant des yeux blancs de plaisir. « Ceci, répondit Sylvie, c'est monsieur Zamor. »« Lui ? » fit Gilbert stupéfait. « Sans doute, » répliqua Sylvie, riant malgré elle de la tournure que prenait cette scène. « Le gouverneur ?» continua Gilbert. « Ce magot, gouverneur du château de Lucienne, allons donc, mademoiselle, vous vous moquez de moi ?» À cette apostrophe, Zamor se redressa, montant ses dents blanches. « Moi, gouverneur, » dit-il, « moi, pas magot. » Gilbert promena de Zamor à Sylvie un regard inquiet qui devint courroucé lorsqu'il vit la jeune femme éclater de rire malgré les efforts qu'elle faisait pour se contenir. Quant à Zamor, grave et impassible comme un fétiche indien, il replongea sa griffe noire dans le sac de satin et reprit ses grignotements. En ce moment, la porte s'ouvrit et M. Grange entra suivi d'un tailleur. « Voici, dit-il en désignant Gilbert, la personne pour qui sera l'habit. Prenez la mesure ainsi que je vous expliquais qu'elle devait être prise. » Gilbert tendit machinalement ses bras et ses épaules, tandis que Sylvie et M. Grange causaient au fond de la chambre et que Mademoiselle Sylvie riait de plus en plus à chaque mot que lui disait l'intendant. « Ah, ce sera charmant, » dit Mademoiselle Sylvie. « Y aura-t-il le bonnet pointu, comme Sganarelle ?» Gilbert n'écouta même pas la réponse. Il repoussa brusquement le tailleur et ne voulut à aucun prix se prêter au reste de la cérémonie. Il ne connaissait pas Sganarelle, mais le nom et surtout les rires de Mademoiselle Sylvie lui indiquaient que ce devait être un personnage éminemment ridicule. « C'est bon, » dit l'intendant au tailleur, « ne lui faites pas violence, vous en savez assez, n'est-ce pas ?»« Certainement, » répondit le tailleur, « l'ampleur ne nuit jamais à ces sortes d'habits, je le tiendrai large. » Sur quoi, Mademoiselle Sylvie, l'intendant et le tailleur partirent, en laissant Gilbert en tête-à-tête avec le négrillon qui continuait de grignoter ses pralines et de rouler ses yeux blancs. Que d'énigmes pour le pauvre provincial, que de craintes, que d'angoisses surtout pour le philosophe, qui voyait ou croyait voir sa dignité d'homme plus clairement compromise encore à Lucienne qu'à Tabernet. Cependant, il essaya de parler à Zamor. Il était venu à l'idée que c'était peut-être quelque prince indien, comme il en avait vu dans les romans de M. Crébillon fils. Mais le prince indien, au lieu de lui répondre, s'en alla devant chaque glace mirer son magnifique costume, comme fait une fiancée de son habit de noces. Puis, se mettant à califourchon sur une chaise à roulettes, à laquelle il donna l'impulsion avec ses pieds, il fit une dizaine de fois le tour de l'antichambre avec une vélocité qui prouvait l'étude approfondie qu'il avait faite de cet ingénieux exercice. Tout à coup, une sonnette retentit, Zamor quitta sa chaise, qu'il laissa à l'endroit où il la quittait, et s'élança par une des portes de l'antichambre dans la direction du bruit de cette sonnette. Cette promptitude à obéir au timbre argentin acheva de convaincre Gilbert que Zamore n'était point un prince. Gilbert eut un instant l'envie de sortir par la même porte que Zamore, mais en arrivant au bout du couloir qui donnait dans un salon, il aperçut tant de cordons bleus et tant de cordons rouges, le tout gardé par des laquais si effrontés, si insolents et si tapageurs, qu'il sentit un frisson courir par ses veines, et que la sueur au front, il rentra dans son antichambre. Une heure s'écoula ainsi. Zamore ne revenait pas. Mademoiselle Sylvie était toujours absente. Gilbert rappelait de tous ses désirs un visage humain quelconque, fût-ce celui de l'affreux tailleur qui allait instrumenter la mystification inconnue dont il était menacé. Au bout de 7 heures, la porte par laquelle il était entré se rouvrit et un laquais parut qui lui dit « Venez !»